Le Seigneur à la sombre face par Arthur Conan Doyle. Préambule. On n'a certainement pas oublié le curieux et palpitant roman de Conan Doyle, Atlantis retrouvé, paru l'an dernier dans une publication hebdomadaire. Tel en a été le succès en Angleterre et en Amérique, que sur les instances d'innombrables lecteurs, l'illustre écrivain anglais s'est vu comme obligé d'écrire, en guise de complément et d'épilogue, le récit intitulé « Le Seigneur à la sombre face », dont nous avons tenu à nous assurer immédiatement la version française. Pour le cas où il en serait besoin, rappelons les faits essentiels d'Atlantis retrouvé. Un savant illustre, le professeur Maracotte, a donné aux études océanographiques, a fait construire spécialement à son usage, dans des conditions assez mystérieuses, un vapeur, le Stratford, sur lequel il s'est embarqué pour l'exploration des fonds marins, avec un jeune boursier américain de l'université d'Oxford, Cyrus Hedley, et un mécanicien des grandes usines de la Mary Banks à Philadelphie, Bill Scanlan. En cours de route, il révèle à ses collaborateurs son arrière-pensée. La descente, dans une cloche d'acier, à des profondeurs jusqu'alors inexplorées pour en étudier la faune et la flore, et rectifier les données de la science sur la pression dans les grands fonds. Il leur demande s'ils veulent tenter avec lui les risques de l'aventure. Enflammés par son enthousiasme, tous les deux y consentent. Mais alors que la cloche à plongeurs où ils se sont enfermés atteint déjà le seuil d'un plateau à 700 pieds au-dessous de la surface, un poisson d'une taille et d'une force monstrueuse rompt les attaches qui la relient au Stratford et les voilà précipités dans un gouffre insondable. Ils n'ont plus qu'à mourir quand, au miracle, par les hublots de la cage, ils voient arriver à eux, de tous côtés, des hommes étranges enfermés jusqu'à mi-corps dans des enveloppes de verre qui les sauvent et les emmènent à une sorte d'immense palais sous-marin où ils vivent en colonie. Ce sont les survivants des anciens Atlantes, préservés de la mort par la sagesse de leur chef Warda lors du cataclysme où leur pays s'engloutit jadis en punition de sa déparvation et de ses crimes et où seuls, quelques justes, trouvèrent grâce devant les puissances spirituelles qui avaient condamné Atlantis. S'ils ont gardé bien des traditions de leurs ancêtres phéniciens, par exemple le culte de Baal, mais singulièrement humanisé, la nécessité leur a fait en revanche réaliser d'étonnants progrès scientifiques. Ils n'ignorent rien de l'électricité et de ses applications. Ils utilisent la vapeur, grâce à la possession d'une mine de charbon où ils font travailler comme esclaves les descendants des Grecs, restés sans doute prisonniers en Atlantide après une guerre. Ils peuvent, sans le secours de la parole, rendre leurs pensées et celles des autres visibles sur un écran d'argent. Naturellement, ils ont trouvé le moyen de circuler à leur gré au fond de l'océan. Ils associent à leur vie le professeur Maracotte, Cyrus Hedley et Bill Scanlan. Hedley s'éprend d'une exquise créature, Mona, la fille du chef actuel Manda. Bien que passionnés par les surprises que leur offre chaque jour leur nouvelle existence, tous les trois nourrissent secrètement le dessein d'aller en répandre la connaissance sur le globe. Avec l'aide d'un ingénieur atlante nommé Bertrix, ils construisent un appareil de 100 fils qui le remet en communication avec le monde. Ils conviennent d'un jour où on ira les recueillir sur un point déterminé de l'océan. La charmante Mona consent à accompagner Hedley chez les hommes sous le soleil, et tous les quatre, en effet, parviennent aujourd'hui à regagner la surface dans des globes transparents garnis d'un gaz très léger ou lévigène. À partir de là, ceux de nos lecteurs qui auraient perdu de vue quelques-uns de ces détails vont se retrouver de plein pied avec le nouveau récit de Conan Doyle, Le Seigneur à la sombre face. Ils y admireront une fois de plus, non seulement son art tout particulier, de créer et de dramatiser une histoire, mais cette connaissance approfondie et ce goût qu'il a des sciences occultes où l'on sait qu'il est passé maître.